contemplant les vitrines, la nuit qui me fascine. J'aime Paris, oui, j'aime Paris de moi-même. Ja s'ha demostrat obertament en anteriors edicions d'aquest programa que m'encanta la veu, la música de Zaz, de la Isabel Geffroy, si s'anomena ella, nascuda a Tours el 1980, i que barreja, possiblement per qui és el meu decant, aquest estil jazzístic de les seves cançons, però també la música, aquesta pop varieté que se'n deia francesa, però soul, música acústica, i que ens ho demostrava amb aquest àlbum número 2 a França, aquest anomenat París, dedicat precisament a la ciutat francesa, a la capital francesa. Escoltarem moltes cançons d'aquest disc amb el programa d'avui. El segon, el tema amb Nicky Yanofsky, es diu I Love Paris, J'aime Paris. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup passionnant. Moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris, why do I love Paris? Parce qu'ici vit mon amour. Love.

attendre ici que la journée s'achève. Bam da ba da ba. On devrait dire aux gens quand on les aime, trouver les phrases, trouver le temps, qu'ils changent nos heures amères en poèmes. On devrait tous se dire avant. Il faut le dire aux gens quand on les aime, comme ils comptent pour nous chaque instant. Les mots doux c'est mieux qu'un mot requiem. Et tant qu'on est là, bien vivant, tout se dire tant qu'il est temps. Doncs aquestes són les cançons que ens aportava aquest artista que avui ens ha acompanyat amb el nostre programa i que ho ha fet d'aquesta manera excepcional amb Patrick Fiori, amb les quatre peces que ens conduïa des del seu disc promès d'aquest 2000, com us deien, d'aquest 2017. Un disc més del cantant marsellès. Bona música i bons ritmes, perquè això és Hola la Music i estem al vostre costat, com sempre, contents de portar-vos aquesta música. Seguirem ara amb una cançó que ens recomana un dels nostres oients, la Lara Fabian. Aimed ja és el títol de la cançó que ens recomana en Marcos, fidel escolta d'aquest programa, qui agraïm, com sempre, la seva participació i també el que ha de fer, perquè de fet és el que voleu vosaltres, participar en aquest espai posant la vostra música. J'irai toujours là où c'est calme.

y a mes doigts qui se baladent au côté de ton âme avec mes rêves malades. Fins aquí hem arribat. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat tot amb una nova edició de Olala Music. Si des del 1977 ens acompanyava i Simon, des de una mica abans, el 76, l'any anterior, ens acompanyarà per acomiadar el nostre programa Michel Jonas amb aquest Journal du Blues, que és el nostre darrer tema. Salutacions i fins la propera. Us recordo una vegada més, qualsevol petició, qualsevol moment que vulgueu contactar amb nosaltres, 644-40-83-24, només per WhatsApp, 644-40-83-24. Això és Hola la Music. Joueur de blues, on est des joueurs de blues, joueurs de blues. On est des joueurs de blues. Trafiquant dans mon douanier, Cousteau, Bombard ou Caroline. Un singe assis sous un cerisier, Mercurius en frérité. Tu plais ton mal et tu fuis, t'attends la mort et tu tries. Le blanc qui chante Toulouse, le noir qui chante I was born to lose. Nous, on est les joueurs de blues. Blues, on est les joueurs de blues. On est des joueurs de blues, joueurs de blues. On est des joueurs de blues. Make the love, make Galagago.